Dans mon lit, moquette au relent de whisky, mes cheveux me font tous mal, je trouvais ça normal. Putain, c'est pas chez moi, mais dites-moi ce que je fous là, tout ça, mais t'es gars, j'ai trouvé ça normal. Passe-moi la goudale et le tel qu'une petite bière pour vous monter le moral. Allez, lève ton verre, passe-moi la goudale et le tel qu'une petite bière pour vous monter le moral. Allez, lève ton verre et passe-moi la goudale et le tel qu'une petite bière pour vous monter le moral. Je me tifie ça, car ce soir je remets ça. Encore une journée banale, je mène une vie normale. Kilkenny, Francis, Caner et Guinness, McEwans, tout tourne à l'envers, quel cycle infernal. Allez, lève ton verre, passe-moi la goudale, rien de tel qu'une petite bière pour vous monter le moral. Allez, lève ton verre et passe-moi la goudale et le tel qu'une petite bière pour vous monter le moral. Passe-moi la goudale et le tel qu'une petite bière pour vous monter le moral. Allez, lève ton verre et passe-moi la goudale et le tel qu'une petite bière pour vous monter le moral. Les fesses, gros.